Chapitre 9e. Sir Roger Scatcherd. Nous en avons dit assez pour faire deviner au lecteur que Roger Scatcherd, l'ancien tailleur de pierre, qui était toujours ivre et qui avait été si prompt à venger l'injure faite à sa sœur, était devenu un personnage important. Entrepreneur d'abord de petits travaux, tels que des terrassements de chemin de fer ou des ponts jetés sur un canal, il en avait successivement entrepris de plus grands, tels que des hôpitaux, des écluses, des docks, des quais. Enfin, il avait entrepris des lignes entières de chemin de fer. De temps à autre, il s'était donné ou avait accepté un associé, mais sans jamais perdre de vue sa part de bénéfice. Et à l'époque où commence notre histoire, c'était un homme riche, très riche. Il avait même acquis quelque chose de plus que de la fortune. Un moment, le gouvernement avait eu besoin que des travaux extraordinaires fussent exécutés dans le plus bref délai possible. Roger Scatcherd les avait entrepris et s'en était tiré avec honneur. Puis il avait été urgent d'exécuter un embranchement de chemin de fer en moitié moins de temps qu'on en met ordinairement à l'achèvement d'une pareille entreprise. Roger Scatcherd s'en chargea et remplit si bien toutes les conditions imposées par son contrat que les journaux retentirent du nom de ce constructeur dévoué à la chose publique. Il avait risqué des fonds considérables dans cette spéculation, et le gouvernement lui en tint compte. Admis à un lever de la reine, il en revint Sir Roger Scatcherd. « Et maintenant, milady, dit le nouveau baronnet à sa femme, maintenant donnez-nous à dîner et une petite goutte de quelque chose de réchauffant. » La goutte de quelque chose de réchauffant voulait dire une dose d'alcool, qui eût suffi pour envoyer dans leur lit trois hommes ordinaires ivres-morts. Hélas, Roger Scatcherd, riche et honoré, était resté le même homme que l'on avait vu autrefois dans les rues de Barchester, avec son tablier de tailleur de pierre serré autour de la taille. Il avait renoncé au tablier, mais non à son vice favori. En une chose seulement, il était changé. Il pouvait aussi bien travailler quand il était ivre que quand il était à jeun, et ses admirateurs, car il en avait, et des admirateurs enthousiastes, prétendaient même que son travail était plus parfait, sa conception plus féconde, sa sagacité plus clairvoyante, lorsqu'il était sous l'influence bachique. À les entendre, ces périodes d'intempérance étaient ses meilleurs moments d'inspiration, ses mystères d'Éleusis, pendant lesquels il communiquait plus intimement avec les déités qui président aux transactions industrielles, et dans ces moments-là, il n'y avait que ses intimes qui pussent avoir accès auprès de lui. Scatcherd a été ivre toute la semaine, se disait-il, quand était venu le moment de décider quelle serait la personne qui entreprendrait la construction d'un dock destiné à contenir tous les produits commerciaux du Lancashire ou qui ferait un chemin de fer de Canton à Bombay. Scatcherd a été ivre toute la semaine. On dit qu'il a bu 3 gallons, environ 13 litres, d'eau-de-vie. Et ils étaient bien sûrs que nul autre que lui n'obtiendrait la concession de l'entreprise. Que Scatcherd eût réellement plus de génie et d'activité dans ses moments d'ivresse, il n'en était pas moins certain qu'il ne pouvait renouveler de pareils excès jusqu'à 6 ou 7 fois dans l'année sans altérer sa santé. Non qu'il fût obligé d'une débilité ou d'une vieillesse prématurée, ni que ses yeux portassent les traces de ses orgies. Mais il y avait des jours où sa vie ne tenait qu'à un fil. La Providence lui avait donné une vigueur de tempérament peu commune, car il pouvait agir en dépit de ses excès, surmonter les maux de tête et tous les malaises qu'engendre l'intempérance. Mais cette force avait des limites, et il était à présumer que s'il les franchissait trop souvent, il ne resterait quelques jours de cet homme si fortement constitué qu'un cadavre. Scatcherd n'avait qu'un ami, et encore cet ami n'en était-il pas un dans l'acception ordinaire du mot. Jamais il ne s'asseyait à la même table. Ils ne se voyaient même que rarement. Leurs occupations les séparaient, leurs goûts étaient diamétralement opposés, et la société qu'ils fréquentaient n'était pas la même. Bref, Scatcherd n'avait rien de commun avec cet ami, et cependant, c'était le seul être au monde qui lui inspira de la confiance. Il avait confiance en lui, mais ce n'était pas ce genre de confiance que l'on a ordinairement pour un ami. Il était certain que cet homme était incapable de le tromper ou de l'exploiter, par conséquent il se servait de lui. Mais il n'aimait ni ses conseils, ni sa société, car il lui disait quelquefois des vérités un peu dures. Sir Roger avait fait parler de lui dans le monde, et avait amassé des richesses, tandis que son ami avait toujours vécu dans l'obscurité et n'avait jamais fait fortune. Cet ami était le docteur Thorne. On a déjà vu comment il avait fait connaissance avec Roger Scatcherd. Il avait eu de fréquents rapports avec lui à l'époque du procès criminel, et Scatcherd avait non seulement assez d'intelligence, mais encore assez d'honnêteté pour apprécier la conduite du docteur. Depuis ce moment, il ne s'était jamais perdu de vue. Peu après son élargissement, Scatcherd avait commencé à mettre de l'argent de côté et il l'avait confié au docteur. Cela lui avait donné lieu aux relations d'intérêt qui amenèrent l'acquisition de Boxall Hill et plusieurs emprunts considérables contractés par le Squire. Indépendamment de ces relations, il en existait encore d'autres entre eux d'une nature assez peu agréable. Le docteur était depuis longtemps le médecin de Sir Roger Scatcherd, et dans son désir de le préserver du sort dont le menaçait son intempérance, il lui arrivait assez fréquemment de se quereller avec son malade. Un autre trait remarquable du caractère de Sir Roger, c'est qu'il était resté toujours aussi violent démocrate que par le passé, et qu'il était fort désireux d'obtenir une position qui le mit à même de soutenir publiquement ses opinions politiques. C'était dans ce but qu'il se proposait de contester la représentation du bourg de Barchester au candidat de la famille de Courcy, et qu'il était venu à Boxall Hill. Ses prétentions à cet égard n'étaient pas à dédaigner, car si l'argent pouvait être de quelque utilité dans cette affaire, il était tout prêt à en dépenser, tandis que M. Moffat, assurait-on, était bien décidé à ne pas faire une folie pareille. Puis Sir Roger avait une espèce d'éloquence grossière qui devait le faire réussir auprès d'une certaine partie des habitants de Barchester et le rendre odieux aux autres. Mais M. Moffat ne pouvait se faire ni des amis ni des ennemis par son éloquence. La populace de Barchester disait, en parlant de lui, que c'était un chien qui ne savait pas aboyer et qui ne pouvait même pas mordre. Toutefois, comme il était protégé par les deux Courcy et qu'il avait l'avantage d'être déjà membre du Parlement, Sir Roger comprenait bien que la victoire ne lui serait pas chose facile. Le docteur revint le même soir de Silverbridge et trouva Mary qui l'attendait pour le thé. Il s'était rencontré en consultation avec le docteur Century, qui, malgré les préceptes du docteur Philgrave, consentait de temps en temps à une pareille dégradation. Le lendemain matin, il déjeuna de bonne heure, monta son cheval gris et partit pour Boxall Hill. Il y allait non seulement pour négocier un nouvel emprunt, mais aussi pour donner ses soins à Sir Roger. Ce dernier, ayant été mis à la tête de l'entreprise de percement de l'isthme de Panama, s'était grisé pendant toute une semaine, de sorte que Lady Scatcherd avait écrit en toute hâte au médecin de venir le trouver. Voilà donc notre docteur parti sur son cheval gris. Entre autres mérites, il avait celui d'être bon écuyer, et le plaisir qu'il trouvait à chasser de temps en temps avec la meute de Barsetshire n'avait peut-être pas nui à l'amitié que le squire ressentait pour lui. « Eh bien, milady, comment se porte-t-il ? Il n'y a rien de grave, j'espère, » dit le docteur en prenant la main de la maîtresse de Boxall Hill, qui se tenait dans une petite pièce sur le derrière de la maison. Les grands appartements étaient meublés somptueusement, mais on ne s'en servait que quand il venait des visites, et comme il n'en venait jamais, faute d'habitation, les grands appartements n'étaient pas très utiles à Lady Scatcherd. « Il est bien malade, docteur, bien malade en vérité, » dit-elle d'un air triste, « et si vous n'y faites pas quelque chose, je crains bien que cela n'empire. » « Il est au lit ?»« Oui, avec des douleurs de jambes qui l'empêchent de se lever. Malheureusement, Winterbones est avec lui, et quand Winterbones est là, Scatcherd ferait mieux de se lever pour le bien que lui fait le lit. » Monsieur Winterbones était le secrétaire de Sir Roger, ou pour mieux dire, sa machine à écrire et à chiffrer dans toutes les affaires qui exigeaient des écritures et des chiffres. C'était un petit homme cassé et ratatiné, que la boisson et la pauvreté avaient desséché comme un charbon. De son esprit, il ne restait plus trace. Les choses de la terre lui étaient indifférentes, à l'exception de la plus petite portion d'alimentation solide et de la plus grosse somme d'alimentation liquide possible. À part l'arithmétique et l'écriture, il avait oublié tout ce qu'il avait jamais su, et il oubliait également d'une heure à l'autre, et même d'une page à l'autre, ce qu'il venait de chiffrer ou d'écrire. Mais une bonne dose de genièvre, jointe à la présence de son maître, avait pour effet de le rendre infatigable au travail. Tel était M. Winterbones, le secrétaire particulier de Sir Roger Scatcherd. « Il faut absolument renvoyer Sir Winterbones, » dit le docteur. « Je m'en charge. » « Ah, docteur, je voudrais bien. Envoyez-le à Bath, ou n'importe où. Scatcher de bois de l'eau-de-vie, Winterbones du Genièvre. Il serait difficile de dire lequel est le pire, du maître ou du serviteur. » On peut juger, d'après cette conversation, que Lady Scatcherd parlait assez ouvertement au docteur de ses petits ennuis domestiques. « Veuillez faire dire à Sir Roger que je suis ici, » dit le docteur. « Vous prendrez bien un verre de xérès avant de monter. Non, merci. » Et ils montèrent auprès du malade. Eh bien, docteur, eh bien, dit Sir Roger d'une voix sonore et puissante, mais au son rauque et guttural. J'ai eu une crise un peu plus forte qu'à l'ordinaire. Lady Scatcherd n'aura pas manqué de vous le dire, car elle a le talent de mettre les choses au pire. Mais vous arrivez trop tard, je me suis passé de vous. Je suis bien aise que vous alliez un peu mieux avec ou sans mon aide. Un peu mieux. Je ne sais pas ce que vous appelez un peu mieux. Je ne me suis jamais mieux porté. Demandez plutôt à Winterbones. En vérité, Scatcherd, lui dit sa femme, vous n'êtes pas mieux. Vous êtes encore très malade. Et quant à Winterbones, il n'a rien à faire dans votre chambre à coucher qui empeste le genièvre. N'est-ce pas, docteur, qu'il n'est pas bien et qu'il est loin de l'être? Au moment où Lady Scatcherd avait fait allusion à l'odeur du genièvre, Winterbones avait caché sous la table devant laquelle il était assis le verre dont il se servait pour faire ses fréquentes libations. Pendant ce temps, le docteur avait pris le poignet du malade pour lui tâter le pouls. « Je crois que M. Winterbones ferait bien de retourner à son bureau de Londres, » dit-il. « Lady Scatcherd sera d'ici à quelque temps le meilleur secrétaire que vous puissiez avoir. »« Du diable si M. Winterbones s'en ira !» s'écria Sir Roger. « N'en parlons plus !»« Très bien, » dit le docteur. « On ne peut mourir qu'une fois, et il est de mon devoir de vous suggérer les moyens de retarder la cérémonie autant que possible. Mais vous avez peut-être des raisons pour désirer le contraire ?»« Je ne désire ni l'un ni l'autre, » répondit Scatcherd, en lui lançant un regard qui voulait dire qu'on se trompait, si l'on espérait l'effrayer par de telles menaces. « Un docteur, empêchez-le de parler ainsi, » dit Lady Scatcherd en portant son mouchoir à ses yeux. « Quant à vous, Milady, sortez, et cela au plus vite !» dit Sir Roger en se tournant brusquement vers sa chère moitié, et sa chère moitié, sachant que le devoir d'une femme est d'obéir, sortit aussitôt de la chambre. Mais en s'éloignant, elle tira la manche du docteur pour lui donner à entendre qu'elle comptait sur lui. « C'est la meilleure femme du monde, docteur, la meilleure femme !» dit Sir Roger lorsque la porte se fut refermée sur Lady Scatcherd. « J'en suis bien sûr, » dit le docteur. « Oui, tant qu'on n'en trouve pas une meilleure, oh, oh, oh. Mais bonne ou mauvaise, il y a des choses qu'une femme ne comprend pas et qu'on ne doit pas lui permettre de comprendre. Il est cependant tout naturel qu'elle se préoccupe de votre santé. Je n'en suis pas sûr. Après ma mort, elle jouira d'un beau revenu. D'ailleurs, toutes ces lamentations me font-elles vivre une heure de plus ?» Il se fit un moment de silence pendant lequel le docteur continua son inquisition doctorale. Le malade s'y soumit, mais d'assez mauvaise grâce. « Il faut vous réformer, Sir Roger, il le faut absolument. »« Bêtise !»« Bien, Sir Roger, mais il faut que je remplisse mon devoir, que cela vous convienne ou non. »« C'est-à-dire que j'aurai à vous payer parce que vous essayez de me faire peur. »« Il n'y a pas de tempérament au monde qui puisse supporter plus longtemps de pareils chocs. »« Winterbones, » dit Sir Roger en se tournant vers son secrétaire, « descendez. » « Descendez, vous dis-je, mais ne vous éloignez pas. Si vous avez le malheur d'aller au cabaret, vous pourriez y rester, je vous le jure. Quand il m'arrive de boire un peu, si toutefois cela m'arrive, moi, mon travail ne s'en ressent jamais. » M. Winterbones ramassa donc son verre, qu'il réussit à dissimuler sous son habit, et sortira, laissant les deux amis seuls. « Scatcherd, » dit le docteur, « vous avez été aussi près de la mort que puisse jamais l'avoir été un homme. Vraiment ?» dit le héros des chemins de fer, un tant soit peu surpris. « En vérité ! Et maintenant je suis guéri ? Guéri ? Comment pouvez-vous être guéri quand vos jambes refusent de vous porter ? Guéri ? Quand le sang bouillonne autour de votre cerveau avec une violence qui détruirait tout autre cerveau que le vôtre ? fit Scatcherd, tout fier de se savoir différemment organisé que les autres. « Oh, oh, oh ! Et que me faut-il faire maintenant ?»« Nous ne donnerons pas en entier l'ordonnance du docteur. » Sir Roger promit de suivre quelques-unes de ses prescriptions, mais il refusa avec violence de se conformer aux autres. L'essentiel pour lui était de s'abstenir de tout travail pendant 15 jours. Il déclara que cela lui était impossible même pour 2 jours. « Si vous travaillez dans l'état où vous êtes, lui dit le docteur, vous aurez encore recours à la boisson comme stimulant, et si vous buvez, vous êtes perdu. »« Stimulant. Vous croyez donc que je ne puis rien faire sans puiser mon courage au fond du verre ?»« Scatcherd, je sais que vous avez de l'eau-de-vie dans votre chambre et que vous en avez pris il n'y a pas 2 heures. »« C'est le genièvre de Winterbones que vous sentez. » « Je sens l'alcool qui vous brûle le sang en ce moment, » dit le docteur, qui lui tenait toujours le poignet. Sir Roger se tourna brusquement de l'autre côté, comme pour échapper à son sermonneur, puis il commença à le menacer à son tour. « Je suis décidé à envoyer chercher le docteur Philgrave, » dit-il. « J'y suis décidé. »« Très bien, » dit le docteur de Greshamsbury. « Envoyez-le chercher. »« Votre cas est tel que même lui ne peut guère s'y tromper. » « Vous croyez que vous pouvez me tenir en laisse à présent parce que vous l'avez fait autrefois. Vous êtes un brave homme, Thorne, mais je ne suis pas sûr que vous soyez le premier médecin d'Angleterre. »« Vous pouvez bien être sûr que je ne le suis pas. Vous êtes même libre de me trouver le plus mauvais. Mais tant que je vous soigne comme médecin, je ne puis que vous donner mes meilleurs conseils. Or, voici la vérité, encore un excès de ce genre et selon toute probabilité, vous êtes un homme mort. » « Je vous répète que dans l'état où vous êtes, le moindre stimulant peut vous achever. »« Je vais envoyer chercher le docteur Philgrave. »« Envoyez-le chercher, mais faites-le le plus tôt possible. »« Rendez-moi seulement un service, c'est de permettre à Lady Scatcherd d'emporter cette bouteille jusqu'à l'arrivée d'un autre médecin. »« Du diable si je le fais. Croyez-vous que je ne puisse pas avoir une bouteille dans ma chambre sans boire ?»« Vous serez moins tenté de le faire si vous ne l'avez pas sous la main. » Sir Roger fit un autre mouvement de colère aussi violent que ses membres paralysés le lui permettaient, puis il recommença ses menaces. « Oui, certainement, je ferai venir le docteur Philgrave. Quand un homme est sérieusement malade, il doit avoir les meilleurs médecins. J'aurai Philgrave et l'autre docteur de Silverbridge. Comment s'appelle-t-il ? Century. » Le docteur détourna la tête, car quoique le cas fût des plus sérieux, il ne put s'empêcher de sourire en pensant à la malicieuse vengeance dont son ami voulait se donner le plaisir. « J'aurai aussi Rarechild. Qu'est-ce que cela me coûtera ? 5 ou 6 livres sterling à chacun ? Henry Thorne ? Oui, cela sera fort bien payé. Mais, Sir Roger, voulez-vous me permettre de vous donner un conseil ? Je ne sais jusqu'à quel point vous pouvez plaisanter. »« Plaisanter ? » s'écria le baronnet. « Vous dites dans le même moment à un homme qu'il est mourant et qu'il plaisante. Vous verrez que je ne plaisante pas. » »« Eh bien, alors, si vous n'avez pas de confiance en moi ? » ?»« Non, je n'en ai pas du tout. » Alors pourquoi ne pas envoyer à Londres ? La dépense n'est rien pour vous. C'est beaucoup, au contraire. Folie, faites chercher Sir Omicron Pie. Prenez quelqu'un en qui vous puissiez avoir toute confiance. Il n'y a personne qui m'inspire plus que Philgrave. Je l'ai connu toute ma vie, je vais l'envoyer chercher. Si quelqu'un peut faire quelque chose pour moi, c'est lui. Alors, pour l'amour de Dieu, envoyez-le chercher, dit le docteur. Et maintenant, adieu Scatcherd. « Donnez-lui au moins la chance de vous faire quelque bien, et ne buvez pas avant son arrivée. »« C'est mon affaire et la sienne, et non la vôtre, » dit le malade. « Soit, votre main, avant que je parte. J'espère que vous vous rétablirez. Quand vous serez guéri, je viendrai vous voir. »« Adieu, adieu, et écoutez, Thorne. Je sais que vous allez causer en bas avec Lady Scatcherd. Pas de bêtises, vous m'entendez ?»